la femme dans la société française. Même si bien des entraves subsistent, la condition de la femme dans la société française a plus évolué en 30 ans qu'au cours de ces 5 derniers siècles. Tout un courant féministe a contribué à cette lutte au point que les mœurs ont, en 10 ans, dépassé les lois. Si plus de 40% des actifs en France sont des femmes, 83% d'entre elles n'occupent qu'un emploi à temps partiel, toutefois elles ne représentent que 5,5% des ingénieurs, techniciens et 8% des professeurs d'université. En contrepartie, certains secteurs sont dominés par les femmes : éducation nationale, sécurité sociale, magistrature. En dépit de l'élévation sensible du niveau d'études des filles et nonobstant l'accès aux grandes écoles qui leur a été aménagé, il n'en reste pas moins que, à diplôme égal, ne correspondent ni rémunération ni responsabilités égales, ce qui va à l'encontre de l'ordonnance de 1972 sur ce point. Loin d'être égaux, ces salaires peuvent varier de 3 à 31% pour un même poste, selon les entreprises, et cela malgré l'ordonnance de 1975 qui interdit toute discrimination à l'embauche. En effet, si d'un point de vue purement législatif, l'exercice du pouvoir est légalement accessible aux femmes, il n'empêche que, dans la réalité des faits, il en va tout autrement. Au risque de faire hausser bien les épaules et aussi invraisemblable que celui puisse paraître, ce n'est qu'à partir de 50 ans que la femme peut enfin se frayer un chemin vers le pouvoir, tandis que cette responsabilité incombe aux hommes de 35-40 ans. Quoi qu'il en soit, les femmes se heurtent encore à une quantité d'obstacles liés à certaines mentalités qualifiées de sexistes. À cet égard, on pourra bien créer un secrétariat à la condition féminine. Rien n'y fera. Tout en protestant de leur parfaite équité, les patrons, lorsqu'on les interroge, réfutent ces accusations. Ils ont beau dire, faits et chiffres sont là. Le salaire féminin représente les 3/4 de celui des hommes et les femmes occupent des postes moins rémunérateurs que l'ensemble des hommes. Si la femme au travail connaît encore quelques difficultés, la femme mariée, quant à elle, bénéficie à présent et, en principe, des mêmes droits de l'homme. Droit de disposer de ses biens, de conserver son nom, de demander le divorce, de maîtriser sa fécondité. Évolution, somme toute, parallèle à l'émergence de l'individu au détriment du collectif, fût-il familial. Les nouvelles mères célibataires, qui constituent encore un phénomène marginal, représentent quand même l'un des aspects de ces familles multiformes qui apparaissent dans les pays occidentaux. Ainsi, à Paris, un accouchement sur 5 est-il le fait d'une femme célibataire, veuve ou divorcée. Quels que soient les progrès accomplis ou encore à accomplir dans la conquête de l'égalité des droits de la femme, aucun texte ne pourra s'opposer à certaines aversions. Héritage multiséculaire d'une société profondément patriarcale.